بسم الله الرحمن الرحيم. سئل الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه أن هناك طفل عمره 7 سنوات يصف خالته إلى آبائه، فما حكم الظهور على هذا الطفل؟ Ils ont posé la question à Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah. On a un enfant de 7 ans, un petit garçon. Il décrit sa tante à son père ou à des hommes. Enfin, est-ce que ce garçon il a le droit de décrire sa tante, de rester avec des femmes? Ça, c'est une question très très importante. Il y en a beaucoup de est-ce que un petit garçon il peut rester avec des femmes et ces femmes elles sont pas couvertes et il les regarde il a akhiré? Ou à l'axe, est-ce qu'une petite fille elle peut rester avec des hommes et c'est quoi la limite? À quel âge le garçon ne doit plus se mélanger aux femmes? La petite fille, à quel âge elle ne doit plus rester avec des hommes? À quel âge elle doit se couvrir et la akhiré? فقال شيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا لا يظهر على المرأة يجب أن تتغطى عنه لقوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال هذا لا يظهر. هذا لا يظهر. هذا لا يظهر. هذا لا يظهر. هذا لا يظهر. Ah, ma sa tante, ça y est, Cheikh Ibn Uthaymeen, il a répondu, sa tante, il a le droit de rester avec sa tante, c'est sa tante. Sa tante, elle n'est pas obligée de se couvrir. Lakin, autre que sa tante, il n'a pas le droit. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. Ça, ça nous montre l'erreur de beaucoup de gens qui pensent que le garçon, il a le droit de rester en compagnie de femmes, et les femmes, elles ne sont pas obligées de mettre leur hijab quand ce garçon, il est là, tant qu'il n'a pas atteint l'âge de la puberté. هذا سيبا كوريكت. لماذا؟ لأن الله عز وجل هنا قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. الله سبحانه وتعالى dans ce verset il a montré la limite. Quand est-ce que ce garçon il ne peut plus rester avec des femmes, et ces femmes si elles sont en compagnie de ce garçon elles doivent se couvrir bien sûr, sauf si c'est sa mère, sa tante, sa sœur. Il a akhir قال الشيخ السعدي رحمه الله. On peut lire une brève explication de son tafsir et de ce verset. قال أي الأطفال الذين دون التمييز فإنه يجوز نظرهم للنساء الأجانب، وعلل تعالى ذلك بأنهم لم يظهروا على عورات النساء. أي le garçon qui n'a pas encore atteint l'âge du tamyiz, il a le droit de rester مثلا avec des femmes s'il est petit. ثم قال رحمه الله وعلل تعالى ذلك بأنهم لم يظهروا على عورات النساء أي ليس لهم علم بذلك. C'est ça al-dhabit. Si ce garçon, comme قال عز وجل أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء, si ce garçon ليس له علم بذلك, قال ولا وجدت فيهم الشهوة بعد. Ouais, il connaît pas ça. Il connaît pas مثلا telle femme elle est belle, ou il décrit telle femme, ou كذلك الشهوة, il ressent une envie. Tant qu'il n'a pas atteint cette limite, فهذا لا بأس. أما dans la question, cet enfant de 7 ans qui décrit sa tante ou qui décrit Matalan une femme à des autres hommes, là on ne doit pas le laisser en compagnie de femmes. Et les femmes elles doivent se couvrir quand il y a ce genre d'enfant, même s'il a que 7 ans. T'as un malot dans la question, il a 7 ans. Même s'il a moins, même s'il a plus. Un mal erreur que certains ils font. Tu trouves Bardel Amakin, l'enfant il a 11, 12. Le garçon il a atteint l'âge de puberté, ça commence à devenir un homme et ils disent là il est encore petit. هذا سيبا من العلم سيبا من الحكمة سابو انجندري دي شوز تري غراف. قال الشيخ سعدي رحمه الله تعالى ودل هذا أن المميز تستتر منه المرأة لأنه يظهر على عورات النساء. المميز c'est celui qui s'est différencié entre une femme belle et une femme moins belle. Il commence à décrire, il commence à regarder. هذا il ne doit pas se mélanger avec des femmes. On revient à la parole de Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala قال وهذا ظاهر فمدام يعرف الأوصاف الجميلة من غير الجميلة فيجب التحرز منها. C'est ça la limite. Si il commence à reconnaître une belle femme d'une femme moins belle, il commence à décrire la couleur, les formes, il a akhiré, il ne doit plus rester avec les femmes. Et les femmes étrangères, elles doivent se couvrir. قال وإذا كانت خالته يجب أن ينهى عن هذا الشيء. On revient à la question, mais sa tante, c'est sa tante, c'est comme sa mère. Lakin, on va pas dire qu'il se mélange plus avec sa tante, que sa tante elle doit se couvrir. Là, lakin on lui montre qu'avec sa tante, il doit pas la décrire. Et on le conseille. مادامت خالته لا يمكن أن تحتجب عنه. نعم, la tante, elle peut pas mettre le hijab parce que son neveu est dans sa compagnie là. لكن يجب أن ينهى عن هذا الشيء وأن يبين له قبحه ويتعود يتوعدونه بما يمكن أن يفعلوه به. Cet enfant, il doit être éduqué et doit être conseillé. Et là, ça nous montre qu'on ne doit pas se laisser aller dans ce genre de sujet. Donc, on fait attention. Arrivé à un certain âge, l'âge du tamyiz, que ce soit le garçon ou la fille, on ne doit plus les laisser avec, si c'est un garçon avec des femmes étrangères, si c'est une fille avec des hommes étrangers. Et la fille arrive à un certain âge, bien sûr, elle doit mettre le hijab. Et le garçon à un certain âge, les femmes, elles ne se laissent pas aller, même si c'est un voisin, même si c'est un cousin, même si c'est un proche, tant que ce n'est pas un mahram, la femme, elle doit se couvrir. Tout ça pour fermer les portes. Tout ça pour préserver cette femme. Tout ça pour préserver cet enfant. فنسأل الله سبحانه وتعالى من فضله ونكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. La fatwa, la référence, لقاءات الباب المفتوح de Cheikh Ibn Uthaymeen, رحمه الله, le premier volume, page 423. اللقاء الحادي عشر, أي la 11e rencontre.